L'apostrophe, l'émission. Chaque deuxième mercredi du mois, de 19h à 20h. L'émission, coproduite par l'apostrophe, scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise, et votre radio locale, RGB 99.2. Bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette émission mensuelle organisée en coproduction par l'apostrophe, la scène nationale de Cergy-Pontoise et votre radio locale RGB. Au menu, d'abord la présentation de nos invités, Jean-Joël Le Chaplin, directeur de l'apostrophe, la scène nationale, en toute complicité, notre invité permanent. Bonjour. Bonjour, merci. Accompagné aujourd'hui de Milena Forest, qui est stagiaire à l'apostrophe, l'un et l'autre, vous nous parlerez de la prochaine édition de Théâtre et Politique à l'affiche à l'apostrophe du 11 au 30 mai prochain. Autre invité, Pierre de Bettmann, pianiste, compositeur en résidence à l'apostrophe. Avec lui, on fera une petite rétrospective de sa résidence passée à l'apostrophe. Et nous parlerons évidemment de sa prochaine actualité, la création qui sera présentée le mardi 12 mai prochain au Théâtre des Louvrés à Pontoise. Poursuite en deux mots, et nous aurons le temps de préciser tout cela. Autre invité également, Jean-Michel Rabeu, metteur en scène pour La Petite Soldate Américaine, qui animera également une rencontre débat dans le cadre de Théâtre et Politique à l'apostrophe. Et enfin, interview sur le vif qui ont été saisies à l'occasion des Melting Pot édition 2015, les rencontres interscolaires qui se sont déroulées à Cergy-Pontoise à l'initiative de l'apostrophe les 1er et 2 avril, c'est-à-dire il y a de cela quelques jours. Les artistes en résidence. Artiste en résidence, c'est Pierre de Bettmann, jazzman, musicien, compositeur en résidence à l'apostrophe, qui va évoquer pour nous une actualité prochaine, la création, dont on a déjà un peu effleuré le sujet au cours d'une précédente émission, Poursuite, qui sera présentée au public le mardi 12 mai au Théâtre des Louvrés à Pontoise. Avant cela, peut-être, Pierre de Bettmann, revenir sur cette résidence artistique, 3 années passé en compagnonnage avec l'apostrophe, la scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise. Qu'est-ce qu'on en retient quand on est artiste ? Alors, beaucoup de choses. C'est indéniablement un gros moment de mon parcours. On part avec des a priori et on voit un peu comment les choses se conjuguent par rapport aux a priori qu'on a, mais les a priori étaient évidemment très favorables. Je connaissais l'apostrophe bien que n'étant pas valdoisien, je suis désolé d'avouer ce défaut auquel je, malheureusement je peux mais pas, c'est un département pas, très pas, ouvert, mais très je, ouvert. La preuve, j'en suis la preuve vivante. Et évidemment, je connaissais l'apostrophe aussi par Isabelle Méchali qui travaille avec Jean-Joël dans une, à mon sens, une grande intelligence d'action. La preuve aussi, parce que j'en suis l'heureuse victime. Donc, je pourrais commencer par ça. C'est 3 ans que j'ai trouvé très riche. Alors très riche sur plusieurs points. D'abord parce que ça permet de faire ce qu'on appelle des créations, qui sont toujours des moments forts, où on se dit qu'on a envie de franchir une marche. Et la marche que permet le genre de dispositif que représente l'apostrophe, c'est une marche que j'ai trouvée ambitieuse, que j'ai trouvée importante par l'épaisseur du travail que j'ai proposé, que Jean-Joël a accepté que je lui propose. Avec un élément, j'imagine, extrêmement utile pour tout artiste, c'est la notion de temps. Oui. Dans une société où tout va très vite, une résidence permet de se poser et de bénéficier du temps nécessaire pour la création, c'est ça ? Je le confirme, ce temps se mesure aussi à la réflexion commune qui préside à toutes ces actions. Et c'est vrai que je me souviens très très bien de la première réunion dans le bureau de Jean-Joël, et je me souviens aussi de la première réunion avec l'équipe de l'apostrophe, et qui était sur un mode qu'est-ce que tu as envie de faire ? Et après, on en parle. Mais qu'est-ce que tu as envie de faire ? Donc, ce qui est quand même. C'est pas si fréquent. Voilà. C'est pas si fréquent aussi pour un monde comme le jazz, qui est un monde un petit peu. Enfin, je dirais confidentiel malgré lui. Je pense pas qu'il le cultive, parce que j'ai toujours beaucoup cru et je continue plus que jamais à croire à l'aspect universel de cette musique. Mais la réalité très bassement matérielle, c'est que c'est un milieu dans lequel il n'y a pas énormément d'argent, enfin en tout cas moins que d'autres. Et du coup, voilà, ce genre d'occasion est assez rare. Et puis, oui, et le temps se manifeste aussi ensuite dans les programmes qu'on construit ensemble, parce que tels qu'on a construit les périodes de création, par exemple, c'est une semaine de répétition qui préside un concert important. Donc, mine de rien, une semaine de répétition, c'est super, quoi. Il se passe beaucoup de choses. C'est des moments où, en plus, comme j'ai généralement proposé à Jean-Joël des projets non négligeables en termes de taille, d'effectifs, de gens embarqués dans l'histoire, comme toute communauté humaine, à 12 en l'occurrence, il se passe vraiment des choses. Ça a été l'occasion, cette résidence, effectivement, d'aller à la rencontre du public, des publics, et à travers différentes propositions, justement, un peu à géométrie variable. On se rappelle la formule du trio, qui vous tient à cœur également dans votre parcours de musicien. Les formules de concerts commentés, c'est le dernier en date, c'était le 13 décembre, autour de John Coltrane. C'est cette formule, effectivement, cette formation du médium ensemble que l'on va retrouver pour conclure cette résidence au travers de la création du 12 mai prochain, avec un disque qui a été enregistré d'ailleurs en 2014, qui est sorti en 2014, avril 2014, c'est bien ça ? C'est tout, je coche toutes les cases. Ça veut dire qu'il y a une construction dans votre démarche artistique. Je lisais une interview que vous avez donnée à d'autres confrères. La démarche, c'est de ne pas tout effacer, mais de poursuivre une quête vers quelque chose d'autre, avec d'autres, pour autre chose. Vous êtes dans cette démarche-là ? Oui, je trouve que l'autre, de toute façon, est un très beau sujet. Je pense qu'il est très vaste, qu'on cultive... Quand on a une position d'artiste, on est amené, soit par militantisme, soit par nature, au fond, à une certaine posture du décalage, qui est un concept que j'aime bien, face à un monde qui est dur, dont qui beaucoup de côtés durs, et Dieu sait si en France on les a expérimentés en ce début d'année tragique, et qui aussi recèle de pépites, de beaucoup d'espoir. Donc, il s'agit de faire parler de l'intuition, dont elle ne sait pas exactement ce sur quoi elle se fonde, et pour essayer de proposer un champ des possibles un peu différent qu'un courant un peu qui nous entraîne, on ne sait pas vraiment où. On va parler de votre rapport, de vos rencontres avec les autres musiciens pour la partie artistique, mais j'imagine que cette résidence ne se résume pas simplement à cette présentation ou à ces représentations sur le plan artistique, c'est aussi le rapport avec le public. Vous avez eu différentes occasions d'aller à leur rencontre et eux de venir à votre rencontre. Qu'est-ce que vous en retenez ? Beaucoup. Alors moi j'aime beaucoup ça. J'aime bien faire la part des choses. Je pense que quand on est sur une scène, on est vraiment sur une scène, il faut l'assumer. Et j'aime ensuite, peut-être parce que je suis aussi marqué par exemple par la culture des clubs, parce qu'il y a quand même des clubs de jazz et ils existent toujours, et que j'aime bien ces moments d'après-concert où entre deux sets, où on prend des pots avec qui est là. Et pour partager un peu autre chose, le public alors j'ai vu à la fois le public de l'Apostrophe et puis le public des scènes du Val d'Oise à l'occasion des différents concerts commentés que j'ai fait. J'ai toujours été très frappé par c'est presque comme si un public vraiment concerné, vraiment, c'est presque comme si la notion d'engagement qui, mine de rien, est un peu inhérente aussi au métier d'artiste, la notion d'engagement touchait aussi, était vécue assez profondément par les gens qui se déplacent pour... alors c'est plus ou moins prémédité, hein, mais on va au théâtre, et ben c'est pas un acte anodin, c'est de toute évidence. Venons-en à votre création, Poursuite, création 2014-2015, qui sera donc présentée au public le mardi 12 mai prochain au Théâtre des Louvrets à Pontoise. J'ai lu que cette création avait un certain esprit de suite, Poursuite en deux mots, je le précise pour ceux qui nous écoutent, et vous avez dit à ce propos que c'est plus une continuité dans l'ouvrage en évolution. Précisez un peu votre pensée, s'il vous plaît. Je ne savais pas que j'avais formulé des choses comme ça, mais c'est très bien, au moins je suis pisté et je dois assumer ce que j'ai dit. Ah oui. Il y a eu aussi une autre manière de présenter les choses que j'ai bien aimé proposer à l'apostrophe, c'est on prend les mêmes et on recommence pas, ou du moins pas exactement de la même façon. Oui, j'aime bien cette notion de continuité. Je dois reconnaître que peut-être que ça s'assoit aussi sur un sentiment que l'histoire est une science de plus en plus complexe et qu'on est un peu voilà, il y a une espèce de droit à la continuité à retrouver. J'aime bien l'idée que les choses. Alors la musique est très paradoxale parce qu'en elle-même, elle est éphémère. C'est un concert. Un concert est éphémère. C'est vraiment le temps, une heure et demie de temps. Et puis alors, il se passe beaucoup de choses et c'est fou comme aussi on a la capacité de l'oublier vite. Alors j'aime bien inscrire ça dans la durée, j'aime bien inscrire les choses dans la durée. Et j'étais très heureux par exemple de pouvoir revenir auprès de Jean-Joël et toute l'équipe de l'apostrophe en constatant que le volume 1 du Médium Ensemble, eh ben, j'ai réussi à l'enregistrer après. Et on a réussi à l'emmener sur la route et pour une dizaine de concerts en 2014, qui pour un ensemble de cette taille-là, voilà, c'est pas complètement anodin, si vous voulez. Et moi, j'aime bien ça et j'ai beaucoup aimé l'idée que lorsque je lui ai dit à Jean-Joël, peut-être pas tout de suite, mais faire un volume 2 en variant le principe d'écriture, éventuellement, il y a juste un changement au casting. Un peu de dernière minute, mais que j'ai beaucoup mûri. On fera pas ça avec le même batteur, mais au fond, voilà. Mais globalement, cette notion de continuité, je trouve que c'est bien de s'y atteler. Voilà. Le médium ensemble composé du trio piano, basse, batterie, de 8 instruments à vanche, oui, et une voix, oui, plus une vocaliste qu'une chanteuse. Oui. Hein, oui. Avec pour l'ensemble ce qui compose, c'est bien ce médium ensemble, des solistes d'exception. Vous pouvez nous donner quelques noms? Ah oui, je peux vous donner quelques noms. Le problème, c'est que je vais avoir défi. Oui, je commence juste. Après, ouais, je vous les donne tous. À la voix, il y a Chloé Caïton que vous. J'ai une section de bois, sax bois, assez exceptionnelle avec Stéphane Guillaume, David Elmalek, Sylvain Boeuf et Thomas Savy, et une section de cuivre que je trouve quand même assez appréciable aussi, avec Sylvain Gontard, qui se trouve être un valdoisien, Sergi Pontin même, Camille Le Bréquier au corps, Denis Leloup au trombone, et Bastien Steele au tuba, et ma rythmique, et Simon Tailleux à contrebasse, et Karl Januska à la batterie. Oui, la raison pour laquelle je cite tous, c'est que la spécificité de cet orchestre, et c'est une des difficultés, mais un des défis auxquels j'adore être confronté, c'est qu'ils sont tous solistes, tous très brillants solistes. Ouais. Voilà, il faut conjuguer un des trucs de l'histoire, c'est de conjuguer. En plus, j'écris beaucoup. J'ai une tendance quand même à faire que la part d'écriture, donc la part d'obligé, comme on dit, avant l'improvisation, est assez épaisse. Et ils jouent tous le jeu, j'ai cette immense chance. Et alternativement, j'essaie de les mettre en valeur parce que leur qualité de soliste, je les trouve, enfin je ne suis pas le seul, hein, mais sont exceptionnels. Avec des échanges en toute complicité, et je l'ai là encore, joyeusement musical, d'être ensemble. C'est un peu l'idéal du musicien que vous êtes. Ah oui, l'être ensemble et le vivre ensemble, je trouve que ça, s'il y a vraiment quelque chose à défendre, voilà. Bah, rendez-vous est pris pour vous, pour nous, pour les musiciens qui vous accompagnent, pour ceux qui composent ce médium ensemble. Eh bien, cette date est prise pour le mardi 12 mai à l'apostrophe Théâtre des Louvrets à Pontoise. Merci Pierre de Bettmann. Merci beaucoup. Pour conclure, Pierre de Bettmann, juste peut-être nous présenter un extrait musical que nous allons partager avec nos auditeurs. C'est une espèce de ritournelle qui est la fondation d'un des morceaux que j'ai écrit. Voilà, le morceau, je l'ai appelé e-tonal ou i-tonal, pour selon que vous voulez angliciser ou les choses, et qui est un peu fondé, c'est une espèce de demi-clin d'œil au fait que la notion de la tonalité a fait beaucoup couler d'encre et de salive dans le landerneau de certaines musiques. Non, plus contemporaines que jazz, mais je voilà. C'est, ouais, place à la musique. L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Dans le cadre de l'édition 2015 de Théâtre et Politique, retrouvons Jean-Michel Rabeu, dramaturge et metteur en scène, pour la présentation du spectacle La Petite Soldate Américaine, qui sera en tournée en milieu scolaire, mais présenté également pour le tout public au Cinéma Utopia le 13 mai, le 21 mai, 22 mai au Théâtre des Arts à Cergy-Centre et le 28 mai à la Maison de quartier de la Châle à Éragny-sur-Oise. Pourquoi est-ce qu'il y avait dans votre parcours de metteur en scène et de dramaturge une forme d'urgence à proposer ce spectacle dont vous êtes l'auteur également ? Un spectacle, me dit-on, qui pose une question essentielle, sommes-nous tous capables du pire ? C'est un peu ça qu'il faut retenir ? Vous avez vu le film Timbuktu ? Oui. Dans le film Timbuktu, il y a un imam doux qui s'oppose aux djihadistes et le djihadiste lui dit « Pourquoi tu fais pas le djihad avec nous ?» Et l'imam doux répond, je fais le djihad à moi-même. Oui. C'est exactement ça. Ma façon d'aborder le politique, c'est d'interroger non pas les autres, forcément les méchants, mais la possibilité de cruauté, d'excès et de folie guerrière qu'il y a en chaque individu. Voilà, donc ce personnage énigmatique posé par la photo d'Abu Ghraib, cette jeune femme toute douce, toute normale, presque jolie, qui opère une saloperie, elle questionne évidemment. Le paradoxe questionne. Même cette jeune femme peut faire le pire. Donc c'est cette image qui m'a emmené vers ce conte. Je dis ce conte parce qu'il était une fois, parce qu'il faut trouver un biais pour rentrer dans ces propos extrêmement violents. Et pour moi, le biais était le conte. Il était une fois. Celle qui est écrite n'est pas évidemment la véritable que je ne connais pas et dont je me fous, à vrai dire. Mais essayer d'extraire de cette photo un rêve qui attaque en effet en chacun d'entre nous la possibilité de la cruauté. Voilà. Oui, parce que cette photo, elle a été vue dans le monde entier. Donc au-delà d'une atrocité, au-delà de faits de guerre, c'est effectivement le fait de la médiatisation immédiate pour le coup. Oui, votre répétition est très intéressante. La médiatisation immédiate. Oui. C'est intéressant, hein. Je m'en rends compte également. Mais en même temps, c'est ça parce que c'est dans l'air du temps, c'est dans les moyens de communication d'aujourd'hui. Oui. C'est parfois le passage du virtuel au réel aussi. Votre spectacle, il est aussi question de cela. Bien sûr, il est question d'interroger l'image. On a l'image du pire et du meilleur en un clic, en deux secondes, dans le monde entier. Ça pose des questions nouvelles. Cette immédiatisation de la médiatisation pose de véritables questions. L'humour est un code. Nous, ça nous fait rire ou pas d'ailleurs, mais moi ça me fait pas très rire, mais on comprend le code. Pourquoi Mahomet peut se faire sodomiser par un soldat dans Charlie Hebdo. Évidemment, si cette image est transmise au Pakistan, dans le fond du Pakistan, en un clic, deux secondes après, ils n'ont pas les mêmes codes. Forcément, ils n'ont pas les mêmes codes. Nous, on sait bien entre nous que ça ne veut pas dire du tout que. Pour quelqu'un, ça peut vouloir dire absolument que. On encule Mahomet, et c'est insupportable pour lui. C'est une question de code. Donc, l'immédiatisation de la médiatisation est en effet un vrai problème. Bon, sur la petite soldate américaine, ça m'a donné envie de me pencher sur ce personnage-là, parce qu'il me permettait d'aborder aussi des problèmes lourds vis-à-vis de gens qui éventuellement le subissent. Le but du spectacle à l'origine était de s'adresser à des gens qui n'ont jamais été au théâtre, à des primo-arrivants, comme on dit. Oui, aux non-spectateurs aussi. À des non-spectateurs, oui. Donc de faire une langue très simple, accompagnée de gestes explicites qui peuvent aider à comprendre les gens qui ne comprennent pas la langue, et d'aborder des problèmes que, ma foi, connaissent mieux que nous, vivent, qu'ils ont fui pour certains. Oui. Donc la rencontre est parfois, risquons le mot, totalement bouleversante pour les acteurs, parce que face à eux, il y a des gens qui subissent ce que le spectacle met en scène. Les rencontres après, avec les gens, enfin j'ai vu des choses, ils les prennent dans les bras, quoi. Mmh. D'ailleurs, pour aller vers les non-spectateurs, vous avez poussé la forme à proposer ce que vous appelez un léger nomade. C'est dire que, effectivement, pour aller vers le non-public, le non-spectateur, les personnes qui ne vont pas au théâtre, parce qu'effectivement, il y a encore une forme de barrière, malgré le travail fait par les lieux de culture, et on ne peut l'ignorer. Alors, c'est quoi ce léger nomade ? C'est se donner comme but de créer un spectacle qui soit un véritable spectacle de théâtre, c'est-à-dire qu'il questionne des choses dangereuses, on va dire, pour aller vite, avec une forme qui donne du plaisir, et que ce théâtre-là puisse se jouer en dehors des salles de théâtre. On peut jouer dans une salle de classe. Il nous faut 4 mètres sur 4 mètres, plus les spectateurs devant. On amène notre matériel, on monte en une heure, et on opère ce spectacle-là. Je m'étais donné ça comme deal, avec comme deuxième deal, en effet, des sujets qui concernent tout le monde. La violence de la guerre et la cruauté concernent tout le monde, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, et avec une langue qui soit abordable pour la plupart des gens. Voilà. Donc le rêve, l'utopie qui se réalise, peu ou prou, grâce à des maisons comme Sergi, c'est d'aller toucher ces gens-là. Et en effet, des fois on joue devant des gens qui applaudissent pas à la fin, pas du tout parce qu'ils n'ont pas aimé ou aimé ou pas aimé, parce qu'ils ne savent pas qu'il faut applaudir. Oui. On a eu une question posée, mais pourquoi les gens ils tapent dans les mains comme ça? Oui, une histoire de code. Oui, une histoire de code, encore une fois. À tel point qu'il y a effectivement pour ce spectacle une tournée en milieu scolaire qui est organisée justement sur le Val d'Oise et sur les Yvelines, je vois, sur Vauréal, Les Mureaux, Herblay, Margency, Saint-Ouen-le-Monde et aussi à Éragny-sur-Oise et deux représentations donc au Théâtre des Arts à Cergy. Si on en revient à cette petite soldate américaine, sous-titré « Conte sans fait, mais avec moralité ». Cette petite soldate, que lui arrive-t-il précisément dans votre spectacle? Parce qu'on parle de réfléchir sur la banalité du mal, mais le rire peut cohabiter aussi avec le terrible. Oui, c'est-à-dire, là, c'est pas le rire, c'est le plaisir. Cette petite soldate chante très très bien. Elle chante merveilleusement de très très belles chansons, qui sont les chansons américaines. Et puis, un jour, elle perd sa voix. Donc on l'envoie dans les pays d'Arabie pour faire la guerre. Et elle a perdu sa voix, elle se donne beaucoup de mal comme soldate à faire son métier de soldate. Et un jour, elle prend un pistolet et elle tire dans la nuque d'un prisonnier. Et oh merveille, elle retrouve sa voix pour chanter « I'm just a gigolo », les très belles chansons américaines. Donc de ce paradoxe, de ce point de départ horrible, on a « I'm just a gigolo », qui est enfin tout ce répertoire américain que tout le monde adore. Magnifique, léger, délicieux. Et on a la balle dans la nuque, voilà. Et à force de tuer, elle va devenir folle de ça. Et puis un jour, les Américains s'en vont et l'oublient parce qu'elle est tellement occupée à tuer qu'on ne la voit même plus. Ils l'oublient. Les prisonniers se révoltent et la font chanter. Vas-y maintenant, chante. Voilà, je ne peux pas tout raconter, mais ça part comme ça. C'est vrai que le théâtre joue un rôle en particulier dans des œuvres comme celle-ci, donner comme mission théâtre de réfléchir là sur le sujet des atrocités, du mal, des horreurs de la guerre, ça ne doit pas être chose facile. Donc vous avez choisi, vous, comme porte d'entrée, le conte, parce que ça parle à tout le monde. Je voyais dans les buts du spectacle, vous mettiez aussi également, parmi les buts que vous mettiez dans la note d'intention, un spectacle multiple, simple, profond et goulayant. J'ai lu le goulayant. Oui, goulayant. Mais il faut donner du plaisir aux gens. Oui. Donc le plaisir, l'ouverture du plaisir, souvent chez moi c'est le rire, là c'est la chanson. Oui. La comédienne et le comédien chante, une très très belle chanson en persan, il est d'origine iranienne. La comédienne chante des chansons américaines, elle chante d'autres chansons aussi, parce qu'à un moment donné elle chante du kabyle, enfin on mélange les choses. Donc ce qui fait la porte d'entrée du plaisir, c'est la musique, c'est la chanson, il y a des instruments, il y a bon, avec légèreté, mais c'est un spectacle musical. Donc c'est ça qui est la porte d'entrée du plaisir, du goulayant. Mais en effet, vous savez, ça a été inventé par les Grecs il y a quoi, 2500 ans. Ça s'appelle la catharsis. On fait couler le sang sur le plateau pour que le sang ne coule pas dans la vie. Quoi. C'est l'utopie théâtrale. Et pour bien comprendre ce qui fera la différence entre le cruel et le plaisant, le rire et la peur, c'est l'idée aussi, ce que j'évoquais en début d'interview, que le but du spectacle, c'est de montrer aux spectateurs qu'il y a de vraies personnes, des acteurs qui incarnent de vrais personnages en chair et en os, et pas du tout de virtualité comme la jeunesse d'aujourd'hui a tendance un petit peu à imaginer que tout ce qui est dans le virtuel est réel. Oui, j'ai l'impression que l'arme contre l'immédiateté de la médiatisation, pour reprendre par hasard votre merveilleuse expression que je vais garder, l'arme c'est l'être humain, c'est le corps présent. Le corps qui transpire, le corps qui tremble parce qu'il a le trac, le corps de l'acteur qui est là, le corps qui postillonne quand il chante, le corps quoi. Tout ce que le virtuel, le Photoshop nous éloigne. Et cette virtualisation m'effraie terriblement parce qu'elle met à la fois à la ce paradoxe, elle éloigne absolument parce que c'est de l'écran, donc c'est pas du vrai, donc on peut tout voir, tout regarder, des condamnations à mort, des crucifixions, etc. Et ça n'est pas vrai, donc on peut. Nous, c'est vrai, ils sont là. Donc ils dévoilent une épaule et les adolescents tombent dans les pommes parce qu'ils trouvent ça d'une impudeur, pas dans ce spectacle-là, mais au théâtre. On dévoile une épaule d'une jeune fille au théâtre et les adolescents tombent dans les pommes. Ça, c'est vraiment, sans parler le bout d'un sein, ça, c'est la fin du monde. Alors que tout le monde sait qu'ils vont cliquer sur du porno très, très violent sur le net. Mmh. Donc le théâtre a cette force-là, de la force du réel, la force de l'immédiateté par la présence des corps. Et à mon avis, il travaille, il interroge la fragilité de chacun, de chaque spectateur. Il va fouiller la fragilité de chaque spectateur pour que, en effet, ce spectateur soit moins violent qu'il pourrait l'être sans le théâtre. C'est une bonne transition. En ce qui vous concerne, je lisais avec intérêt que avant le théâtre, il y avait une autre vie pour vous, celle de la philosophie. Vous avez, je crois, une licence de philo. Oui. Est-ce à dire que l'homme de théâtre d'aujourd'hui et depuis des années que vous êtes, eh bien que la philosophie est toujours prégnante dans votre travail? Ce qui est prégnant dans mon travail, c'est ce pourquoi, ce que m'a appris ou ce pourquoi j'ai fait de la philo, mais c'est dire non à l'affaire entendue. Le point d'interrogation. Ce jour, je décidais de tout révoquer en doute. Troisième méditation de Descartes. Voilà. Ce questionnement du réel, ce nom. Dites-moi une science qui n'a pas commencé par un nom. Ça, c'est Michelet dans La Sorcière. La philo apprend ça. Tiens, mais si c'était l'inverse. Mais non, je crois pas ça. Je vais aller voir derrière, avec ma pensée. Je vais aller voir derrière. Avec l'affirmation de l'idéologie dominante, comme on disait quand j'étais jeune, et d'aller voir derrière. Quelques mots concernant vos deux acteurs, la petite soldate, une comédienne et chanteuse, le conteur, comédien, chanteur et musicien à la fois. Oui, comédien, chanteur et musicien. Donc comme je le disais, Eram est d'origine persane, il est né en France mais d'extrême justesse, il est d'origine iranienne. Et sur une anecdote, la première fois qu'on a été joué dans un foyer maghrébin, Eram rentre sur le plateau, il chante, il ferme un peu les yeux, il s'occupe d'autre chose, et tout à coup il lève les yeux vers les spectateurs et il voit 40 femmes voilées. Or sa grand-mère était voilée. Il m'a dit j'ai eu du mal à continuer. Sans eux, je n'aurais pas fait ce spectacle-là. Je voyais décor, il est question d'une peinture, je crois. Oui, il y a au fond de notre scène improvisée, il y a un arbre qui a été peint par une peintre que j'aime beaucoup, qui s'appelle Bérangère Vallée, qui a travaillé pour moi par ailleurs, et qui nous a fait un arbre, pas tout à fait réaliste, mais un arbre derrière, dans le désert, a poussé un arbre par magie. Deuxième sujet rapide, vous allez animer une rencontre débat justement dans le prolongement de ce qu'on vient d'évoquer, de parler sur le thème dire l'indicible au théâtre, l'innommable, l'inexprimable, l'inracontable, c'est quand même possible, mais avec quelle stratégie, quel parti pris? C'est un débat que vous allez animer donc à l'issue de la représentation du jeudi 21 mai à l'apostrophe au Théâtre des Arts à Cergy. Vous savez, le parti pris, il est simple, pour moi, c'est, je fais ça depuis 40 ans. C'est mon métier, c'est mis sérieusement la question que je me suis posée à adolescent et à laquelle je tente de répondre depuis 40 ans. Je ne sais pas du tout pourquoi je me suis mis là-dedans, dans ce cycle-là. Mais parler de ça et répondre à ça, ce n'est pas difficile parce que c'est simplement ma vie d'artiste. Très bien, et bien ce rendez-vous est pris donc pour cette rencontre débat à l'issue de la représentation de la pièce La petite soldate américaine, conte sans fait mais avec moralité, précisons, et donc tout ceci aura lieu pour deux représentations à l'apostrophe Théâtre des Arts à Cergy Centre et une série de représentations sur différents lycées dans le Val-d'Oise et également sur les Yvelines. Merci beaucoup Jean-Michel Rabeu. Au plaisir de vous revoir sur Cergy Pontoise. Merci beaucoup. Merci. Nous vous proposons un extrait musical du spectacle Coup Fatal qui sera à l'affiche à l'apostrophe Théâtre des Louvrés à Pontoise le mardi 19 mai prochain. L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Avec Jean-Joël Le Chaplin, le directeur de l'apostrophe, et Milena Forest qui est en stage dans cette même scène nationale de Cergy Pontoise et du Val d'Oise, nous allons évoquer la nouvelle édition du théâtre de théâtre et politique programmée à l'apostrophe du 11 au 30 mai prochain. C'est d'ici peu de temps. Peut-être une présentation, on va dire, un peu générale, Jean-Joël Le Chaplin, avant de rentrer dans le vif du sujet au niveau de la programmation de cette édition 2015. Mais comme ça fait quelques années maintenant que nous proposons ce rendez-vous au public, c'est, comme son nom l'indique, une focale sur le théâtre et la politique, c'est-à-dire les opus, les, les projets dans lesquels les auteurs ou les metteurs en scène ou les artistes d'une manière générale s'intéressent à cette relation dans les constructions de leurs projets dramatiques. Alors c'est consubstantiel au théâtre finalement, l'intérêt pour la politique, et je dirais que l'intérêt du théâtre pour la politique lui est consubstantiel aussi, si on pouvait renverser l'argumentaire. Et donc ça prouve bien que le théâtre parle de la vie, et que ce qui relève de la gestion de la vie de la cité, eh bien, concerne évidemment aussi les auteurs dramatiques. Alors c'est les focales que l'on veut le plus, j'allais dire, encyclopédique possible, autant qu'on puisse être encyclopédique en 4 ou 5 rendez-vous, donc c'est mission impossible, mais en même temps, ça met en évidence un certain nombre d'aspects qui sont traités par les artistes et qui sont en correspondance quand même directe avec la réalité quotidienne, enfin avec l'époque dans laquelle nous vivons. Alors il y a plusieurs façons de concevoir en effet ce rapport à la politique, et le rapport de ce théâtre à la politique, c'est celui par exemple d'aller revisiter des grandes œuvres du répertoire, et puis de voir comment ces œuvres du répertoire ont ou pas une correspondance avec notre actualité, notre contemporanéité. L'autre manière aussi d'aborder les questions, c'est de monter des œuvres d'aujourd'hui ou d'écrire des projets d'aujourd'hui pour les donner à entendre avec une focale qui est, on dit politique, mais quelquefois elle peut être plus que politique, au sens où elle interroge quand même la place des citoyens dans la vie de la cité et des pays, quoi. On a pu entendre au cours de l'émission, il y a quelques instants, Jean-Michel Rabeus nous présentant la pièce La petite soldate américaine, avec effectivement une formule qui va circuler, non seulement l'œuvre, mais les deux comédiens et acteurs vont circuler sur le territoire. Quelques mots concernant cette pièce et la rencontre débat qui sera animée également par Jean-Michel Rabeus sur le thème Dire, l'indicible au théâtre. Voilà, Jean-Michel Rabeus est bien connu des Valdoisiens, puisqu'il a longtemps été en résidence ici. Il a travaillé beaucoup sur ce territoire, et c'est un homme qui a depuis toujours, dans son approche théâtrale, un regard qui est extrêmement incisif et qui évidemment ne dissocie pas son analyse de la société de la pratique de son métier. Alors dans la petite soldate américaine, il traite un sujet qui nous paraît éloigné, mais qui en fait peut se rapprocher beaucoup de nos préoccupations à certaines occasions, notamment sur ces questions liées au terrorisme que l'on vit ces derniers mois de manière plus prégnante peut-être que par le passé. C'est l'analyse qu'il fait à partir du camp de Guantanamo, j'allais dire aux États-Unis, mais on sait que Guantanamo est nulle part, en cela qu'il est hors droit, tout simplement, et donc il part du témoignage d'une ancienne soldate, justement américaine précisément, qui est amenée à pratiquer la torture. Donc c'est un sujet qui a été évidemment largement débattu sur le plan de la place publique, dans les journaux il y a quelques années maintenant, mais c'est ce point-là que prend Jean-Michel Rabeus pour au travers d'une exploration destinée aux jeunes dans des univers de petites jauges, dans les univers de classe pour les grands scolaires évidemment, pour aborder ces questions et permettre de réfléchir avec eux à tous ces sujets qui ne sont pas minces. Hein, que faut-il faire par rapport au danger, à la réalité du terrorisme, parce qu'il faut avoir des instruments démocratiques qui semblent bien faibles, est-ce qu'ils sont suffisants, ou bien est-ce qu'il faut autre chose. Donc c'est un peu ces questions, au-delà de l'interrogation, pourquoi l'homme est-il arrivé, en arrive-t-il à vouloir transformer son prochain en objet maltraité, maltraitant à tous les endroits. On a pu voir également avec Jean-Michel Rabeus la différence, ce qui doit être bien perçu par chacun, la différence entre le virtuel et le réel quand on parle et quand on aborde ces sujets, non seulement au-delà du terrorisme, mais au-delà effectivement de tout ce qui sont les horreurs que le monde nous propose jour après jour. Venons-en à la soirée La Conquête de l'Ouest. Ça nous ramène, puisque c'est une soirée en trois temps, voilà. Avec la présentation dans un lieu qui sera hors les murs pour la scène nationale, au cinéma Utopia de Saint-Ouen-l'Aumône, avec la présentation de La Petite Soldate Américaine, le spectacle qui nous a été présenté par Jean-Michel Rabeu, suivi d'un apéritif dînatoire et suivi d'un film, Phoenix, qui est là aussi en résonance avec le thème théâtre et politique. Oui, en fait, tout est dit dans cet énoncé. Alors, La Conquête de l'Ouest, c'est un petit clin d'œil qu'on voulait faire, évidemment, à cette Amérique mythique, en oubliant que quand on évoque, pas en oubliant, donc justement, le titre voudrait essayer de le rappeler, de ramener cette réalité un peu plus crue, en oubliant que La Conquête de l'Ouest, c'était le massacre des Indiens, en réalité, et des populations existantes. Donc, c'est un peu ce message, évidemment, à peine subliminal qu'on voudrait faire passer. Donc, ce parcours, en une soirée, en trois temps, permet en effet de présenter à un public de cinéma le spectacle de Jean-Michel qui sera présenté dans un espace qui permet justement cette relation à la fois ambivalente entre le théâtre et le cinéma, la convivialité de l'échange dans un endroit qui est tout à fait adapté à ça et dont ses dirigeants sont attachés à ce mode de relation avec les spectateurs, et puis ce film Phoenix de Christian Petzold qui est un film absolument fondamental aussi pour comprendre un peu l'ambiguïté qui peut exister au sein de même de la nature humaine, lorsque cette femme qui revient des camps, c'est ce que raconte ce film Phoenix, qui est le nom d'un cabaret qu'elle vient dans lequel elle va, où elle retrouve l'homme qui avait été son mari, et donc l'état dans lequel se trouve cette femme au sortir des camps, et qui finalement doit refaire un chemin pour se resocialiser en n'arrivant pas à oublier finalement les relations qu'elle pouvait avoir avant ce terrible épisode de la guerre sur son propre corps. Et donc, en effet, il y a les plusieurs aspects là-dedans, mais il y a aussi bien la dimension terrifiante de ce que peut être la guerre et la torture à tous les sens du terme, que finalement le chemin intérieur mental de quelqu'un qui a du mal à accepter finalement l'indicible. Mmh. En gros, c'est ce chemin que nous amène à suivre ce film qui est magnifique sur beaucoup de plans. Une œuvre troublante, comme il faut dire, du cinéma allemand, et une quête d'identité donc de cette héroïne brisée, rescapée des camps de retour à Berlin en 1945, car comme on a parlé de plusieurs périodes de l'histoire... Oui, c'est 45 là, oui, dont il s'agit, oui, oui, voilà. Venons-en à Coup Fatal, autre spectacle qui sera présenté dans le cadre de théâtre et politique à l'apostrophe à Cergy-Pontoise entre le 11 et 30 mai prochain. C'est donc Milena Forest qui va nous présenter ce spectacle. Oui, alors Coup Fatal est une forme musicale et dansée, une sorte de concert chorégraphié dans lequel le contre-ténor Serge Kakoudji est accompagné par 13 musiciens congolais. Il interprète Bach, Purcell, Rameau et d'autres, c'est-à-dire son répertoire de prédilection, la musique baroque, au son des instruments traditionnels et populaires congolais. Donc cette rencontre a été orchestrée par le compositeur Fabrizio Cassol et le chorégraphe Alain Platel de la compagnie flamande Les Ballets C de la B. Et Serge Kakoudji raconte que c'est de l'absence d'orchestre baroque au Congo qu'est apparue l'idée de ce mélange des genres. La dimension politique est sous-jacente et elle transparaît surtout dans l'élément scénographique qui constitue le fond de scène qui a été imaginé par un artiste plasticien congolais. C'est un rideau qui est fait de dizaines de douilles de munitions dorées et qui rappelle donc la douloureuse histoire du Congo. Une énergie incroyable se dégage du plateau et voilà, qui a enthousiasmé les nombreux spectateurs lors des représentations passées à Vienne, notamment lorsque le spectacle a été créé, et en juillet également en Avignon. Au Festival d'Avignon 2014, en effet, c'est un spectacle qui sera présenté dans le cadre d'Escaldance en Val d'Oise Et en effet, ça peut paraître surréaliste, un concert africain aux airs baroques avec 13 musiciens qui sont tous originaires de là-bas, c'est-à-dire de la République démocratique du Congo. L'histoire artistique est née à Kinshasa et on pourra même entendre dans cette musique une musique qui m'est chère, qu'on entend assez régulièrement sur cette antenne de RGB où on fait preuve une fois de plus de singularité. C'est la fameuse rumba congolaise. Spectacle à recommander. La date, c'est le mardi 19 mai, 20h30 au Théâtre des Louvrais. Théâtre et politique, c'est aussi et également chaîne de montage de Suzanne Lebeauch, Gervais Jeudros, une tragédie contemporaine. Alors oui, c'est une tragédie contemporaine, mais c'est même une tragédie réelle. Enfin, ce n'est pas de la fiction du tout. C'est tiré d'un fait divers. S'appuie en effet Suzanne Lebeau, puisque en fait, il s'agit très précisément d'une ville du Mexique qui s'appelle Juarez. Je ne sais pas si je prononce bien, mais Ciudad Juarez. Voilà. Bon, avec la Jota, n'est-ce pas, c'est, la Jota. La Jota, c'est ça. Et donc, et dans la province, si je ne m'abuse, de Chihuahua, quelque chose du genre, et qui est une ville qui est frontière avec les États-Unis. Donc, dans cet endroit, il y a des usines qui sont un peu la chair à pâter, si on peut dire, des exploiteurs de tout genre, et notamment pour les jeunes femmes. Qui sont démunis, désœuvrés, qui arrivent à se retrouver là en quête de travail, et ce qui fait que finalement il y a une exploitation organisée dans ces usines, et ça c'est le fait de départ qui conduit à ce qu'il y ait des bidonvilles, des maisons de carton, comme dit la légende, qui est la réalité autour de ces villes et de ces usines, pour des gens qui sont démunis et qui viennent évidemment trouver moyen de travailler un petit peu. Donc ça c'est le fait de départ, et la dérivation, la déviation et la tragédie naît du fait que sur ces dernières années, des dizaines, pour ne pas dire des centaines de jeunes femmes comme ça, se sont trouvées violées, découpées en morceaux, à moitié enfouies dans le sable, enfin des choses, des horreurs, des images d'apocalypse et d'horreur, sans que l'on sache d'où cela vienne et pourquoi. Et donc Suzanne Lebeau, qui est un auteur québécois bien connu en France, qui s'est beaucoup saisi des questions sociales, mais assez peu des questions aussi directement politiques que celle-ci, là, a été absolument effarée par ce fait divers, entre guillemets, et donc a écrit un monologue qui raconte cela, dans la chaîne de montage, comment on passe de la chaîne de montage à ces assassinats, pour essayer d'explorer les raisons, pour peu qu'on puisse en trouver quelques-unes, et surtout de parler de cette horreur et de le faire connaître au plus large public possible. Écrit comme à la manière d'un poème des oubliés et restituant des paroles de révolte. Un fait divers dont on méconnaît. Il y a des chiffres, depuis 1996, plus de 400 crimes ont été commis envers les femmes qui travaillent dans cette ville de Ciudad Juarez, ville frontière entre le Mexique et les États-Unis. Dernière proposition, une œuvre phare et populaire de Victor Hugo qui répond au nom de Lucrèce Borgia. Alors, tout le monde connaît ce mot. Tout le monde connaît les Borgia, et tout le monde connaît Lucrèce Borgia, donc une famille qui vit dans le stupre, dans le crime organisé, dans la débauche la plus totale. Et c'est le thème que traite Victor Hugo, qui a balancé dans ce texte une espèce de rage qui était en réponse, on pourrait dire, je pense, à la réception plus que mauvaise qu'il avait eue, et les concessions qu'il avait dû faire sur Le Roi s'amuse, qui est sa pièce précédente, qui avait été donnée au Théâtre français, qu'il l'avait fortement marqué, et dont l'épisode lui avait parfaitement déplu. Et donc il a jeté là-dedans une espèce de hargne, mais avec une langue qui est peut-être plus libérée, enfin plus souple, je veux dire, pas libérée, mais plus fluide que celle qui existe dans les textes que l'on connaît de lui, évidemment. et il raconte cette histoire à sa façon, qui est le contre-pied de la pièce Le Roi s'amuse, en cela qu'il raconte en fait l'histoire de cette femme qui vit dans la débauche, que j'évoque, mais qui en fait a un fils secret qui se retrouve pris dans les mailles du filet de la famille, et donc de son mari qui est un tueur qu'elle adore, ou qu'elle adorait jusque-là, sauf que là, elle demande la tête de celui qui a atrophié le nom de la famille en enlevant le B sur la façade du palais au profit du O, ce qui fait qu'on ne lit plus que les Orgia et non plus les Borgia, et donc elle veut absolument être vengée de cet outrage, ne sachant pas que celui qui l'a fait est son propre fils qu'elle tient, qu'elle veut éloigner de ses vengeances qui lui sont maintenant destinées, parce que on ne n'insulte pas impunément la famille Borgia. Donc c'est tout cela que raconte Lucrèce Borgia dans le texte de Victor Hugo, et en fait l'émergence derrière la criminelle de la mère qui ne peut abolir son état, ni même de ce fils vis-à-vis de sa mère qu'il ne connaît pas, parce qu'il ne la connaît pas, évidemment, et donc cette dualité est tout à fait passionnante, et je dois dire que notre David Bobet, le metteur en scène, oui, et puis Béatrice Dalle, qui a été choisie pour interpréter ce rôle, est une belle idée, même si Béatrice Dalle n'était pas familière des plateaux de théâtre. On voit bien là qu'elle a, c'est une superbe idée qui permet à la pièce d'avoir une dimension supplémentaire, et le regard de David Bobet, qui est un jeune metteur en scène un peu, j'allais dire, dérangeant, au sens où il ose des choses que n'osent pas d'autres, eh bien crée un spectacle tout à fait impressionnant à voir. Et la langue de Shakespeare, quel lapsus de Victor Hugo. La langue de Victor Hugo, évidemment, pour moi, ça s'apparente justement à une langue aussi forte que celle de Shakespeare dans ses tragédies historiques. Le metteur en scène propose un théâtre ouvert où se croisent différents langages artistiques, à tel point que danseurs et acrobates vont accompagner ce texte et Béatrice Dalle en contre-chance pour justement donner la puissance du texte. Oui, en effet, oui, parce que il y a plein d'éléments dans ce spectacle qui permettent de compenser la puissance du texte. Il y a de la musique, il y a la scénographie, hein, dans un espace tout à fait particulier, et puis il y a une distribution formidable, très métissée, qui a été managé de main de maître par David Bobet. Et je crois que c'est une très belle réussite. Les spectateurs en jugeront. Rendez-vous est pris pour cette nouvelle édition de Théâtre et Politique avec Lucrèce Borgia pour 3 représentations, le jeudi 28 mai à 19h30, le vendredi 29 et samedi 30 mai à 20h30, toujours au Théâtre des Louvrets à Pontoise. J'ai omis d'indiquer les dates pour Chaîne de montage, cette tragédie contemporaine partant d'un fait divers qui s'est produit à Ciudad Juárez, ville frontière entre le Mexique et les États-Unis, où il est question de violence banale faite aux femmes. C'est les 26 et 27 mai prochains à 20h30, cette fois-ci au Théâtre des Arts à Cergy Centre. L'action culturelle. Melting Pot sur le vif, retour sur les rencontres interscolaires des 31 mars, 1er et 2 avril 2015 à l'apostrophe. Nous avons rencontré Séverine Lemoine, enseignante en biotechnologie au lycée Escoffier à Éragny-sur-Oise, et quelques jeunes qui ont participé à ces rencontres. Quel est l'intérêt pour l'enseignante que vous êtes et les élèves que vous accompagnez dans cette aventure, bien de participer à ce Melting Pot ? Je crois que c'est un gros défi pour les élèves qui sont arrivés ici en voyant 300 lycéens et collégiens avec eux. Ils étaient morts de trouille. Pour moi, l'intérêt premier, c'est surtout de développer leur confiance en eux et puis de leur montrer qu'avec un peu d'envie, on peut faire de grandes choses. On a vu ici des démonstrations magnifiques qui donnaient envie de poursuivre cette aventure. Et puis également pour les élèves, je pense que c'est une bonne reconnaissance de soi et un dépassement. enrichissant. Alors je m'appelle Anis, j'ai 17 ans et je suis en terminale ES au lycée Montesquieu d'Herblay. Les filles qui sont avec vous? Je m'appelle Capucine, j'ai 16 ans et je suis au lycée François Villon au Mureau. Je m'appelle Marjolaine, j'ai 16 ans et je suis en seconde au lycée François Villon au Mureau. Parlez-nous un petit peu de cette expérience particulière, de ces rencontres interscolaires, artistiques, les melting pots, un vrai défi, y compris quand, bien, du côté des élèves. C'est pas particulièrement un défi, c'est une expérience qu'on aime faire, c'est une expérience qu'on aime. C'est la deuxième année pour vous. C'est la deuxième fois que je participe au melting pot, c'était l'année dernière, on avait un meilleur temps, mais cette année il y a toujours encore cet engouement. Cet engouement lycéen, cet engouement artistique, parce que cette année le thème c'était la résistance, c'est ce côté historique et en même temps ce côté artistique, c'est vraiment un plaisir de faire partie des melting pots. C'est vraiment un truc à faire au moins une fois quand on est théâtreux. Est-ce à dire que ça a créé quelque chose qui vous a changé entre la première fois l'an dernier et cette année? Est-ce que participer à des rencontres comme celle-ci, ça peut avoir, on va dire, des conséquences dans vos études ou dans votre relation ou votre intérêt pour la culture, pour les arts en général, pour l'artistique? Cette année, je suis tombé avec un artiste baroque. Je ne vais pas vous mentir, c'est la première fois que je danse sur du baroque. Hein. Donc c'est vrai que ça nous apporte des connaissances artistiques, on apprend quelques bases en baroque. Ce soir, on va danser sur du baroque, donc c'est vrai que c'est assez particulier. Mais c'est un truc qu'on aime, c'est voir de nouveaux arts, toucher à de nouvelles manières artistiques, nouveaux styles. C'est vraiment enrichissant pour nous en tant que personne et après en tant qu'artiste pour le bac qui arrive cette année. Capucine, pour vous, c'est la première fois, première année, première expérience. Vous en êtes, je crois, à la deuxième journée. Vous allez vous produire sur scène tout à l'heure, à partir de 18h. C'est donc une arrivée sur scène peut-être pour la première fois de votre vie? Non, parce que j'ai déjà fait d'autres spectacles, mais c'est vrai que c'est pas la même chose, mais j'ai pas du tout de trac, parce qu'en fait, on a bien répété, on s'est bien entraîné, et puis voilà, et puis... En fait, le contexte et tout, je trouve ça intéressant. C'est une expérience qu'il faut faire parce que ça apporte des choses et tout. L'expérience à vivre, c'est déjà, effectivement, on dit rencontre interscolaire parce que c'est avec plus de 600 élèves, je crois, ceux qui participent à ces 3 jours. Donc, vous vous retrouvez avec d'autres élèves qui viennent d'autres villes, d'autres établissements et des âges différents, des préoccupations différentes. Donc ça, c'est déjà une aventure en soi. Bah ouais, parce que on voit le travail que les autres y font. Par exemple, pour les cartes de visite, là, on a vu tout ce que les élèves chacun ils ont fait et c'était des choses différentes à chaque fois et ça peut être intéressant de voir. Sur le plan artistique, c'était plutôt danse, plutôt théâtre? Nous, on a fait du coup de la danse baroque et c'est vrai que je ne connaissais pas non plus et puis comme ça élargit un peu nos connaissances et notre culture personnelle. C'est sympa. Marjolaine, vous, alors comment vous avez vécu ces 2 premières journées? Et là, on est à peu de temps de la présentation sur scène. Il va y avoir du public, normalement. Il n'y a pas que les jeunes qui participent à ces rencontres. Il y a du public qui va venir, des parents probablement également. Est-ce qu'on appréhende un moment comme ça? Et en quoi c'est intéressant de vivre et de partager une expérience comme celle-ci? Bah, c'est super intéressant parce que ça nous fait travailler l'esprit de groupe avec des personnes qu'on ne connaît pas. Ça fait travailler la confiance en soi parce qu'on passe devant beaucoup de personnes et avec des personnes qu'on ne connaissait pas vraiment. Et confiance en les autres parce qu'on apprend tous ensemble. Et là, on apprend des choses qu'on ne connaissait pas avant. On se retrouve avec des personnes qu'on connaissait un petit peu. Moi, je fais du théâtre avec Capucine. Mais oui, sinon, ça nous fait rencontrer aussi les comédiens, le danseur aussi, prof de danse. L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Pour toute information et pour toute réservation concernant l'ensemble des spectacles qui vous ont été présentés au cours de cette émission, je vous propose de composer le 01 34 20 14 14, le 01 34 20 14 deux fois, ou bien sur internet au www.l'apostrophe.net, l'apostrophe en un seul mot.net. Remerciements à tous nos invités et intervenants qui étaient nombreux au cours de cette émission aujourd'hui, ainsi qu'à Arnaud Vasseur, qui m'a aidé à préparer cette émission. Remerciements également à Damien Gissa pour la réalisation technique. Cette émission, animée par votre serviteur et animateur José Guérin, sera rediffusée samedi prochain, samedi 11 avril, de 9h à 10h sur RGB sur le 99.2 FM ainsi que sur le www.radio-rgb.net, émission que vous pourrez retrouver également en podcast sur le même site. Pour notre prochain rendez-vous avec l'apostrophe l'émission, rendez-vous le mercredi 13 mai 2015 sur RGB sur le 99.2 de 19 à 20 heures. D'ici là, au plaisir de vous retrouver non seulement à l'apostrophe à Cergy Pontoise, mais également sur votre radio locale RGB. À bientôt. L'apostrophe, l'émission. Chaque deuxième mercredi du mois, de 19h à 20h. L'émission, coproduite par l'apostrophe, scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val-d'Oise, et votre radio locale, RGB 99.2.